pas la déranger. Ranger, ranger, quand tu l'aides à ranger. Ranger, ranger, c'est pas une place à échanger. Changer, changer, je l'aide à ranger toutes ses histoires de cœur. Et une place à mienne pour moi et mon honneur. C'est facile, c'est délicieuse, pour toutes mes soeurs creuses. Dire qu'elle est curieuse, elle est belle, facétieuse. Belle, facétieuse. Belle, facétieuse. Décidons de ranger, ranger, ranger mon portrait en premier, premier, premier. Et des roses par milliers, milliers, milliers. Et tu causes trop de volonté, planté, planté. Comme un plastique à sa mère, c'est positivement. Pas bon des secondes, fume un peu d'argent. C'est facile, c'est délicieuse, toutes mes soeurs creuses. Dire que les curieuses, elle est belle, fastidieuse. Belle, fastidieuse. Belle, fastidieuse. Belle, fastidieuse. Ranger, ranger, mais faut pas la déranger. Ranger, ranger, quand tu l'aides à ranger. Ranger, ranger, c'est pas une place à échanger. Changer, changer, je l'aide à ranger toutes ces histoires de cœur. Et une place à mienne pour moi et mon honneur. C'est pas si délicieuse, plus de mes heures creuses. Dire qu'elle est curieuse, elle est belle et facétieuse. Belle et facétieuse.